Chapitre 12e. Repoussée par Norbert, brutalement chassée, Mademoiselle Diane reprit, la mort dans l'âme, le chemin de Sauvebourg, que l'instant d'avant elle parcourait palpitante d'espoir. L'apparition du duc de Chandos l'avait terrifiée. Elle comprenait l'horreur du crime maintenant qu'elle l'avait vu. Elle courait, éperdue, car il lui semblait que des voix effroyables se mêlaient au mugissement de la tempête, et que dans les ténèbres autour d'elle, des spectres la menaçaient. Mais son imagination n'était pas de celle qui reste longtemps frappée. Lorsqu'elle eut regagné sa chambre, sans bruit, comme elle l'avait quittée, quand elle eut fait disparaître ses vêtements souillés de boue et de toutes les traces de sa sortie, elle commença à se remettre et même ne tarda pas à sourire de cette erreur. Réfléchissant, elle se disait que sans l'arrivée du duc, elle eût peut-être reconquis Norbert, et que désespérer serait faiblesse tant que le oui fatal ne serait pas prononcé. Accablée de honte sur le moment, et frémissante, elle avait menacé Norbert. Plus calme à cette heure, elle sentait qu'elle ne pouvait prendre sur elle de le haïr. Toute sa haine s'adressait à cette autre femme, cette rivale, cette Marie de Puymondour qui avait été comme son mauvais génie. De celle-là, oui, il fallait se venger. La voix secrète du pressentiment disait à Mademoiselle Diane que c'était de ce côté qu'elle devait chercher des raisons de rompre ce mariage, dont les bans avaient été publiés le matin même. Mais avant de rien entreprendre, connaître le passé de Mademoiselle de Puymondour était indispensable. Mademoiselle Diane se jura qu'elle connaîtrait ce passé. Telles étaient les dispositions de Mademoiselle de Sauvebourg quand on lui présenta le vicomte de Mussidan, l'ami de ce frère dont la mort la faisait si riche. Il n'accourait pas sur un habit de son père, ainsi que l'avait charitablement supposé M. de Puymondour. Le hasard seul le ramenait dans sa famille, ou plutôt le désir d'obtenir de la munificence paternelle, de quoi éteindre quelques dettes devenues gênantes. Octave de Mussidan, à cette époque, réunissait, à un degré supérieur, toutes les conditions qui au début de la vie promettent et même paraissent assurées de longues années de bonheur. Grand, bien fait, doué de la plus heureuse physionomie, ayant une santé de fer, il avait en outre les avantages d'un beau nom et d'une fortune considérable. Deux femmes, qui étaient la grâce et l'esprit même, sa mère, une Réto de Commarin et sa tante, veuve de ce général de Sermeuse, si fameux sous la Restauration, s'était chargée de son éducation sociale. Envoyé à Paris à 20 ans avec une pension assez forte pour y faire bonne figure, il se trouva du premier coup, grâce aux alliances de sa famille, dans une société du grand monde. Mêlé aux viveurs de bonne compagnie du Café de Paris, à une époque où les Sebdeuil, les Maufort, les Drécan et les Sarbovès donnaient le ton, il vite perdut le fond de naïveté à portée de sa province et conquit cette assurance qui donne la conscience d'une certaine supériorité et la domination des choses à demi faciles. S'il est vrai que les gens heureux dont les désirs s'éparpillent en 1000 satisfactions sont incapables de sentiments sérieux, Octave de Mussidan devait être à l'abri des orages d'une grande passion. Cependant, il n'en fut pas ainsi. À la seule vue de Mademoiselle de Sauvebourg, il ressentit cette commotion intérieure que Stendhal appelait le coup de foudre, présage d'un de ces amours qui font le désespoir ou la félicité de la vie entière. Il est vrai que jamais Mademoiselle Diane n'avait été aussi étrangement séduisante qu'elle l'était alors, et que jamais elle ne le fut à un degré égal. Octave de Mussidan lui déplut, il était trop différent de Norbert. Entre ce gentilhomme si correct et le sauvage de Chandos, elle ne voyait nul rapport. Nulle comparaison possible. Rien d'ailleurs, rien au monde, n'était capable d'effacer au cœur de Mademoiselle de Sauvebourg l'image de Norbert, lui apparaissant pour la première fois dans les bois de Biveron, son fusil encore fumant à la main, vêtu de sa veste de bure. C'est ainsi qu'elle aimait à se le figurer, frémissant d'énergie contenue, rougissant, intimidée, osant à peine lever sur elle ses beaux yeux tremblants. Cependant, Octave était pris. Et il s'abandonnait délicieusement aux sentiments qui l'envahissaient et qui, à chacune de ses visites à Sauvebourg, le pénétraient davantage. Mais, en amoureux chevaleresque et qui prétend ne tenir la femme aimée que de sa seule et libre disposition, il s'adressa tout d'abord à Mademoiselle Diane. Ayant réussi à se trouver un instant seul près d'elle, respectueusement et de la voix la plus émue, il lui demanda si elle daignait permettre qu'il sollicitât du marquis de Sauvebourg l'honneur de son alliance. Cette démarche la surprit extrêmement. Tout entière aux anxiétés de la lutte qu'elle avait entreprise, elle ne s'était aperçue de rien. Elle fut affreusement impressionnée. autant qu'un malade à qui le chirurgien annonce que c'est assez s'engourdir dans la souffrance et qu'une horrible opération est devenue nécessaire. Octave la forçait en quelque sorte de regarder en face la réalité. Elle arrêta sur M. de Mussidan un indéfinissable regard, et après une longue hésitation lui promit pour le lendemain soir une réponse décisive. La nuit entière se passa en épouvantables hésitations. Avoir commis un crime, et n'en pas recueillir les fruits, cela ne pouvait lui entrer dans l'esprit. Le résultat de ses méditations fut la lettre confiée à la fille de la mère Rouleau. L'accusé qui attend de la délibération de ses juges un verdict de vie ou de mort n'endure pas tout ce que souffrit Mademoiselle Diane pendant qu'elle guettait au bout du parc de Sauvebourg le retour de sa messagère. Cette atroce agonie durait depuis plus de 4 heures, lorsqu'enfin Françoise reparut tout essoufflée. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Mademoiselle Diane. « Rien. C'est-à-dire si, il s'est écrié comme cela, avec des gesticulations de furieux, « Jamais, jamais !» Il ne fallait pas que cette fille pût se douter de quelque chose. Mademoiselle Diane eut la force de sourire. « C'est bien ce que je pensais, » fit-elle. Et comme François semblait vouloir ajouter quelque chose, elle l'interrompit, lui remit un louis pour sa course et lui fit signe de s'éloigner. « Certes, Mademoiselle de Sauvebourg était anéantie, mais elle éprouvait en même temps cet indéfinissable soulagement du joueur qui, risquant une fortune après d'effroyables alternatives, perd son dernier louis et s'écrie « Enfin !» Plus d'incertitude, désormais, de doute, d'angoisse, plus rien à tenter. Nul espoir ne survivait, sinon celui de la vengeance. Elle bénissait l'amour d'Octave maintenant. Elle se disait que mariée, elle serait libre et qu'elle pourrait suivre Norbert et sa femme à Paris. Quand elle entra au château, Octave venait d'arriver. Il l'interrogea du regard et d'un doux geste de tête plein d'adorables promesses, elle répondit « Oui ». Ce consentement, pensait-elle, la libérait du passé. Elle se trompait. Elle comptait sans les imprudences commises, sans les complices, sans Doman. En apprenant que le coup était manqué, ce furent ses expressions, le vaillant président avait été saisi d'une de ses terreurs, il disait « Sous l'heure, qui tue leur homme ?» Rapidement, sans bruit, il avait réuni le plus possible d'argent comptant, et ses paquets faits, il se tenait prêt à s'envoler à la première alerte. Les nouvelles que lui donna M. de Puymondour le tranquillisèrent un peu. Il ne fut vraiment rassuré que lorsqu'il fut bien sûr que le duc avait perdu la raison et que le médecin avait cessé ses visites à Chandos. Mais alors il fut pris de ce vertige dont est frappé l'homme qui mesure le précipice où il a failli rouler. Ses nerfs, excités outre mesure, se détendirent tout à coup, et telle fut la réaction qu'il dut se mettre au lit, et que pendant une douzaine de jours il fut en proie à une sorte de fièvre cérébrale. Il commençait à se lever, lorsqu'on lui annonça successivement le mariage de Norbert et la mort du duc. Ne découvrant plus l'ombre d'un danger, il recouvra ses facultés ordinaires de calcul et se prit à réfléchir en toute liberté d'esprit. Il avait dans son tiroir pour 20 000 francs d'obligations de Norbert, de l'or en barre maintenant qu'il jouissait de ses droits. Mais l'appétit vient en mangeant, et le président ne tarda pas à trouver que cela était peu pour ses peines et rien pour les risques qu'il avait courus. De là, à chercher les moyens de recueillir de cette affaire un regain qui valut la moisson, il n'y avait qu'un pas qu'il eût vite franchi. En moins de rien, il eut arrêté son plan et pris ses mesures, et pour sa première sortie, il alla rôder autour de Sauvebourg. Il se disait que ce serait bien le diable, si le hasard ne lui fournissait pas l'occasion d'un petit tête-à-tête avec Mademoiselle Diane. Et il lui fallut de la patience. Mademoiselle Diane sortait tous les jours, mais toujours accompagnée, et il se gardait de se montrer. Domaine avait bien fait 15 heures de faction en diverses fois, quand enfin il eut le plaisir de voir celle qu'il guettait se dirigeant seule vers Bivron. Il la suivit sans qu'elle pût s'en douter, parce qu'à cet endroit la route était découverte, mais quand elle arriva à un petit bois qui est à mi-chemin du bourg, il parut tout à coup. Mademoiselle de Sauvebourg ne l'avait pas aperçu depuis qu'elle l'avait forcé d'aller au renseignement, et sa vue lui causa la plus pénible impression. « Que voulez-vous ? » lui demanda-t-elle brusquement. Il ne répondit pas directement, mais, après s'être confondu en excuses de son audace, il commençait à féliciter Mademoiselle Diane de son mariage, dont tout le monde s'entretenait et dont il était ravi, pour sa part, car il lui était respectueusement dévoué, et elle jugeait M. de Mussidan bien supérieur comme genre, comme... D'un geste, elle arrêta ce flux de paroles. « Si c'est là tout ce que vous avez à me dire, » fit-elle. Déjà, elle se détournait il osa l'arrêter par un des coins de son châle. « J'aurai encore quelque chose à ajouter, » insista-t-il, « relativement à... Vous savez bien. » Elle s'impatientait. « Relativement à quoi ? » demanda-t-elle sans déguiser son profond mépris. Il sourit bassement, s'assura d'un regard que personne n'était à portée de l'entendre, et se penchant vers Mademoiselle Diane, il murmura « Ses rapports au poison ». Elle se rejeta violemment en arrière, comme si elle eût vu un aspic se dresser sous ses pieds. « Qu'osez-vous dire ? » balbutia-t-elle. Mais déjà il avait repris son air obséquieux, et il se répandait en plaintes et en récriminations. Quel tour abominable elle lui avait joué. Lui voler son flacon de verre noir. Si tout se fût découvert, il eût certainement payé pour tous, et de sa tête un crime dont il était innocent. Il en avait été malade de douleur, et, à cette heure encore, le sommeil le fuyait, et il était poursuivi par d'affreux remords. Bien plus, tout pouvait se découvrir encore. « Au fait !» fit Mademoiselle Diane en frappant du pied. « Au fait !»« Eh bien, mademoiselle, je ne saurais rester dans le pays. J'y meurs d'inquiétude. Je veux passer à l'étranger. C'est ma fortune que me coûte cette affaire. Vous savez, quand il faut réaliser, je suis un homme ruiné. Enfin, que voulez-vous ? » Le regard clair de Mademoiselle de Sauvebourg arrêté sur lui gênait atrocement Doman. Il voulait, il l'expliqua verbeusement, de quoi se consoler de l'exil, un souvenir, un faible secours, le strict nécessaire, le capital d'une petite rente de 3 000 francs. Mademoiselle de Sauvebourg était incapable de modérer son indignation et de cacher son dégoût. « Je comprends. Vous voulez faire payer ce que vous appelez votre dévouement, mademoiselle. Et vous l'estimez 60 000 francs, c'est cher. Hélas, c'est à peine la moitié de ce que me coûte cette malheureuse affaire. Oh, je sais ce que je dois penser de ces exigences. » Doman leva vers le ciel des bras éplorés. « Des exigences ? » s'écria-t-il d'un ton larmoyant. « Ai-je donc l'air d'un homme qui exige ? « Oh, il est dur d'être ainsi méconnu. Que fais-je en ce moment ? Je viens à vous, humblement, chapeau bas, comme si je demandais l'aumône. Si j'exigeais, ce serait autre chose, je dirais. Je veux tant, ou je parle. Que j'ai à perdre, en somme, si tout se découvre ? Presque rien. Je suis un pauvre homme, et je suis vieux. Monsieur Norbert, au contraire, et vous, mademoiselle, avez tout à risquer. Vous êtes jeune, riche, noble. L'avenir vous promet le bonheur. » Il s'arrêta pour juger de l'effet de ses paroles. Mademoiselle Diane réfléchissait. « Vous parleriez qu'on ne vous croirait pas. Quand on avance certaines choses de certaines gens, il faut des preuves. C'est vrai, mademoiselle. Mais qui vous dit que je n'en ai pas ? Hé hé ! Je suis un homme de précaution, moi, et j'ai la preuve de bien des choses. Croyez-vous, par exemple, que si j'allais trouver monsieur le marquis votre père, il ne me donnerait pas une jolie somme bien ronde du billet que j'ai là, et qui éclairerait singulièrement monsieur de Mussidan ? Je vous donne la préférence et vous vous plaignez. » Tout en parlant, il sortait de sa poche un portefeuille crasseux et il en tira un papier qui avait dû être chiffonné et ensuite lissé soigneusement. Mademoiselle Diane étouffa un cri de frayeur et de rage. Elle venait de reconnaître son dernier billet à Norbert. « Ah ! » s'écria-t-elle, « Françoise m'a trahi, sans doute pour me récompenser d'avoir sauvé sa mère. » Le président tenait sa lettre entrouverte. Elle pensa qu'il ne se défiait pas. D'un geste rapide comme elle pensait, elle essaya de la lui arracher. Mais il était sur ses gardes. Il recula, en faisant du doigt un geste ironique. « Oh, que non pas » dit-il avec un accent d'odieuse familiarité. « Il n'en sera pas de ceci comme du petit flacon. Ce billet, je vous le rendrai en même temps qu'un autre, que j'ai de vous adresser à moi quand j'aurai ce que je demande. Jusque-là, rien. Si je suis pris, je veux m'asseoir sur les bancs de la cour d'assises en bonne compagnie. » Mademoiselle de Sauvebourg était véritablement au désespoir. « Mais je n'ai pas d'argent » s'écria-t-elle. « Une jeune fille n'a pas d'argent. Monsieur Norbert en a. Adressez-vous à lui, alors. » Doman hocha la tête. « Nenni » fit-il, « pas si sot. Il m'en cuirait, peut-être. Je connais Monsieur Norbert. Il est tout le portrait de son père. Tandis que vous, mademoiselle, vous lui ferez prendre la chose en douceur. Vous y êtes quasi plus intéressée que lui. « Président. Oh ! Il n'y a plus de président qui tienne. Comment ? Je viens, bien à vous humblement, et vous me traitez comme le dernier des derniers. Je me révolte à la fin. Je suis honnête, moi. 47 années de probité sont là pour le prouver. Je n'ai jamais empoisonné personne. Assez de rebuffades. Nous sommes aujourd'hui mardi. Si vendredi, avant 6 heures, je n'ai pas ce que je demande, votre père et monsieur de Mussidan auront de mes nouvelles. Tenez-vous à vous marier ? Il salua ironiquement, tourna les talons et s'éloigna en disant « C'est à prendre ou à laisser ». Mademoiselle de Sauvebourg était comme pétrifiée de tant d'impudence, et Domaine avait déjà disparu au tournant de la route, qu'elle cherchait encore, et vainement, une réponse pour l'écraser. « Misérable » murmura-t-elle toute frémissante. « Misérable !» Oui, misérable en effet, mais il la tenait, et pour la perdre à tout jamais, il n'avait qu'à vouloir. Et elle comprenait qu'il était un homme à exécuter ses menaces. Dût-il n'en retirer aucun profit? Dût-il même se compromettre sérieusement pour lui nuire, obéissant à cet instinct de perversité qui pousse à faire le mal pour le mal? Mélanie seule se désole sans agir, trouvant comme une imbécile consolation à répéter les éternels « si j'avais su », des incapables et des lâches. L'effort commence par chercher comment se tirer d'affaire. Ainsi fit Mademoiselle Diane, mais elle n'avait pas le choix des moyens. Force était d'en passer par où voulait Domaine. S'adresser à Norbert était l'unique ressource. Certes, elle ne doutait pas que Norbert ne fît tout au monde pour prévenir et écarter un péril qui le menaçait autant qu'elle-même, mais l'idée d'implorer son secours révoltait sa fierté. Voilà donc à quelles extrémités d'abjection elle était descendue, elle, une Sauvebourg. Voilà où aboutissaient ses rêves de grandeur et d'ambition. Elle était à la merci du plus vil des êtres, d'un Domaine. Elle en était réduite à se traîner aux genoux d'un homme qu'elle avait trop aimé pour ne le point haïr mortellement. Cependant, elle n'hésita pas. Au lieu de continuer sa promenade, elle se rendit directement chez la veuve Rouleau et chargea Françoise d'aller trouver Norbert et de lui dire qu'il fallait absolument qu'il se rendît à la nuit tombante à la petite porte du parc de Sauvebourg, qu'elle y attendrait, que c'était pour deux une question de vie ou de mort. La seule contenance de Françoise à la vue de sa bienfaitrice, sa rougeur, son trouble, avait été le plus explicite aveu de sa trahison. Mais Mademoiselle Diane ne voulait rien remarquer et lui parla avec sa bonté accoutumée. Certaine de la complicité de cette fille et de Domaine, elle jugeait prudent de dissimuler et habile de la choisir encore pour messagère. Seulement le diable n'y perdait rien, et tout en regagnant Sauvebourg, elle se jurait que Françoise paierait cher sa perfidie. Ni les mille occupations des apprêts d'un mariage, ni la présence d'Octave de Mussidan ne purent, le reste de la journée, distraire Mademoiselle Diane de son idée fixe. Elle semblait doucement souriante, enjouée même, et cependant, elle était à la torture, elle suait sous son corset. À mesure qu'approchait le moment qu'elle avait fixé, son cœur se serrait davantage, et les doutes les plus effrayants la poignaient. Norbert viendrait-il au rendez-vous? Françoise aurait-elle pu parvenir jusqu'à lui? Et s'il avait quitté le pays? Il y avait 5 jours qu'on avait enterré le duc de Chandos. Elle avait entendu dire que Norbert annonçait partout son intention d'aller habiter Paris avec sa femme. Et s'il venait, quelle serait cette entrevue? Cependant, la nuit tombait. Les domestiques apportaient au salon les lampes allumées. Mademoiselle Diane s'esquiva et courut à la petite porte. Norbert l'attendait. Dès qu'elle parut, il s'élança d'abord vers elle, emporté par un mouvement involontaire, puis une réflexion soudaine le cloua sur place. « Vous m'avez fait demander, mademoiselle ?» dit-il d'une voix rauque. « Oui, monsieur le duc. » À ce titre de duc, donné sans réflexion, ils tressaillirent affreusement l'un et l'autre. Ce titre, Norbert le devait à la mort de son père, c'est parce que mademoiselle Diane voulait être duchesse que monsieur de Chandos était mort. Elle se remit la première, et aussitôt, sentant le besoin d'en finir, avec une volubilité, elle se mit à exposer les odieuses prétentions de Domaine, exagérant encore, quoiqu'il n'en fût guère besoin, la portée de ses menaces. Elle supposait que cette scélératesse du président transporterait Norbert de colère. À sa grande surprise, il demeura impassible. Il avait tant souffert qu'il en était venu à une mort d'insensibilité dont rien ne semblait capable de le tirer. « Soyez sans crainte, répondait-il, je verrai Domaine. » Il paraissait sur le point de se retirer, elle l'arrêta d'un geste. « Vous me quittez ainsi ? » fit-elle tristement, sans un mot. « Que puis-je vous dire, mademoiselle, que peut-il y avoir de commun entre nous ? Mon père mourant m'a pardonné, je vous pardonne, adieu. »« Adieu donc, Norbert. Nous ne nous reverrons plus, sans doute. Je vais me marier, on a dû vous le dire. Pouvais-je résister aux volontés de ma famille ? D'ailleurs, à quoi bon ?» Elle s'interrompit comme si elle eût été prête de succomber sous l'excès de son émotion. Passa sa main sur ses yeux et ajouta « Encore adieu. » Souvenez-vous que personne, autant que moi, ne forme des vœux ardents pour que vous soyez heureux. « Heureux ? » s'écria Norbert. « Moi ? Est-ce possible ? Pouvez-vous donc être heureuse, vous ? Ah, enseignez-moi alors ce qu'il faut faire pour oublier, pour anéantir la pensée. Vous ne savez donc pas que près de vous j'avais rêvé des félicités dont l'idée sera le désespoir de ma vie, dont le souvenir ne s'effacera pas de mon cœur quand je vivrai 1000 ans. Vous ne savez donc pas ? Il s'arrêta, comme s'il eût eu horreur de ce qu'il allait dire, comme s'il eût compris qu'il se trahissait, qu'il se livrait. Il se détourna brusquement et s'enfuit éperdu. Une joie farouche, la joie du triomphe entrevu, dut à ce moment éclairer le visage de Mademoiselle Diane. Cette entrevue, dont elle avait redouté les émotions, la laissait plus froide que le marbre. « Je ne l'aime plus, » murmura-t-elle, « et lui, même plus que jamais. La vengeance devient facile. » Lorsqu'elle reparut au salon, sa satisfaction était si évidente que le vicomte Octave ne put s'empêcher de lui en demander la cause. Elle répondit par une plaisanterie, mais gracieuse, presque tendre, car elle était pour son futur mari d'une amabilité qui le rendait le plus heureux des hommes. « Pourvu, pensait-elle, que Norbert voie demain Nathan. » Il le vit. Le surlendemain même, le fidèle serviteur des Chandos, Jean, aborda Mademoiselle Diane comme elle rentrait de la promenade et lui remit un paquet assez volumineux. Elle l'ouvrit. Il renfermait, outre les deux lettres que possédait le président, toute sa correspondance avec Norbert, plus de 100 lettres fort longues pour la plupart et aussi compromettantes que possible. Son premier mouvement fut de tout brûler, et même elle alluma une bougie dans cette intention. Mais elle réfléchit et déposa le paquet dans une cachette où se trouvaient déjà les lettres que Norbert lui avait écrites. « Qui sait ? » murmura-t-elle. « Tout cela servira peut-être un jour. » Tout cela, en effet, devait servir, mais contre elle-même. Il en avait cependant coûté 60 000 francs à Norbert, pour avoir ce que Domann appelait ses garanties. Il dut, de plus, lui compter 20 000 francs, montant des obligations qu'il avait souscrites. Cette somme, ajoutée à de notables économies, constituait au président une si belle fortune qu'il résolut de quitter Biveron et d'aller à Paris chercher un théâtre plus digne de ses capacités. C'est pourquoi, 8 jours plus tard, le pays apprit avec stupeur que Domann avait mis la clé sous la porte et était parti enlevant la plantureuse Françoise. Deux femmes en pleurs allaient de maison en maison, semant l'incroyable nouvelle, non sans force imprécation. La veuve Rouleau, d'abord, qui accusait fort nettement Mademoiselle de Sauvebourg d'avoir prêté les mains à une abomination qui lui ravissait le pain de ses vieux jours, disait-elle. Puis, cette vieille si louche qui était la ménagère du président, et qui se voyant abandonnée, ne se gênait pas pour raconter comment Domann, le scélérat, n'avait jamais été huissier, et comme quoi toute sa science judiciaire lui venait d'une maison centrale où il avait séjourné 10 ans. Cette double fuite, si inattendue du président et de Françoise, enchanta Mademoiselle de Sauvebourg, bien qu'elle eût assez de pénétration pour se douter des propos envenimés dont elle serait le prétexte. Ces propos, pensait-elle, n'arriveraient jamais jusqu'à elle, et en revanche, elle était débarrassée de cette perpétuelle appréhension de se trouver inopinément face à face avec un de ses complices. Domann et cette malheureuse avaient quitté le pays d'une telle façon qu'il n'était guère probable qu'ils eussent jamais l'effronterie d'y revenir. D'un autre côté, Norbert était parti pour Paris avec sa femme, et M. de Puymandour allait disant partout qu'on ne reverrait pas de sitôt la duchesse sa fille à Chandos. Mademoiselle Diane respirait donc librement. Interrogeant l'horizon, il lui semblait que tous les nuages menaçants s'étaient dissipés. L'avenir lui appartenait, elle pouvait s'occuper de son mariage. Il devait avoir lieu dans une 15aine de jours, et déjà un des amis d'Octave, qui devait être son témoin, M. de Clinchamp, était arrivé. C'était un brave garçon, et point gênant, le plus poli et le plus complaisant des hommes, précieux au jour d'ennui pour la quantité de ridicule qu'il étalait naïvement. Mais Mademoiselle de Sauvebourg se souciait peu de M. de Clinchamp. Elle avait jugé la grandeur de l'amour qu'elle inspirait à Octave, et il s'était mis en tête de tout faire pour l'augmenter encore. Se faire aimer jusqu'à l'aberration, jusqu'à la stupidité d'un homme qu'on disait supérieur par l'esprit et par l'intelligence, qui devait avoir l'expérience de la passion, lui semblait une tâche digne de son ambition et mettait un intérêt palpitant dans sa vie. Faire prendre dès l'abord à Octave le pli de sa volonté et de ses caprices, c'était prudence et prévoyance. C'était, de plus, s'exercer pour plus tard, quand elle serait à Paris, quand elle serait une femme à la mode, et son succès ici devait lui donner la mesure de l'empire qu'elle exercerait là-bas. Octave fut pris, et tout autre l'eût été à sa place. Elle avait le don de la séduction. et jamais plus merveilleuse comédie d'amour ne fut jouée par la plus raffinée des coquettes. Le jour de son mariage, elle était radieuse, mais ce grand contentement était une affectation et une bravade. Elle se sentait observée. Lorsque, sortant de l'église, elle traversa la double haie des habitants de Biveron rangés sur son passage, elle surprit plus d'un regard malveillant. Un malheur plus direct et plus réel l'attendait au château de Mussidan qu'elle allait habiter désormais. Elle y trouva Montlouis, et si grande que fût son audace, elle ne put s'empêcher de rougir jusqu'à la racine des cheveux quand on le lui présenta. Lui, heureusement, qui avait prévu le moment, avait eu le temps de s'y préparer et fit bonne contenance. Mais si respectueusement qu'il s'inclina, Mademoiselle Diane, devenue Madame de Mussidan, crut distinguer dans ses yeux cette expression d'ironique mépris et de menace qu'elle avait aperçue dans les yeux de Domann. « Cet homme ne peut rester ici, » pensa-t-elle, « il ne restera pas. » Demander à Octave le renvoi de Montlouis était simple et prompt, mais c'était chanceux aussi. C'était en quelque sorte provoquer ce jeune homme à dire ce qu'il savait du passé. Le plus sage était de lui faire bonne figure et de déterminer son renvoi à la première bonne occasion. Or, cette occasion ne pouvait se faire attendre longtemps. Octave était fort mécontent de son secrétaire. Montlouis, qui était plein de zèle quand il habitait Paris avec son patron, se relâchait singulièrement depuis son séjour à Mussidan. Il avait renoué des relations avec cette jeune fille de Châtellerault qu'il adorait, et il ne se passait pas de semaine qu'il ne disparût quelquefois de jours entiers. Cela ne pouvait durer. Ce ne fut cependant pas de ce côté que partit le premier coup qui atteignit la jeune mariée. De ce côté, elle était en garde, et c'est surtout ce qu'on ne saurait prévoir, le hasard, l'impossible, qu'il faut craindre. Il y avait une douzaine de jours qu'elle était vicomtesse de Mussidan, quand un après-midi, Octave lui proposa une promenade à pied. Elle jeta un châle sur ses épaules et ils partirent, gais comme des amoureux en vacances. Ils suivaient le chemin charmant qui tourne le bourg de Biveron, quand tout à coup ils entendirent de grands aboiements dans un taillis qui borde la route. Un chien de forte taille en sortit presque aussitôt, qui, toujours aboyant, se précipita sur la jeune femme. Elle ne put retenir un cri. Elle reconnaissait Bruno. L'Épagneul, arrivé à elle, s'était dressé, et appuyant ses pattes de devant sur sa poitrine, avançait son museau fin et intelligent. « À moi, Octave !» balbutia-t-elle. Mais déjà M. de Mussidan avait écarté l'Épagneul. « Ce chien vous a fait peur, mon ami ? » demanda-t-il. « Oui, une peur affreuse. » Elle était fort pâle, en effet, et plus tremblante que la feuille. Elle frémissait de cette reconnaissance, des suites qu'elle pouvait avoir. M. de Mussidan, lui, observait les allures de Bruno. Tout surpris de la réception qui lui était faite, le bel Épagneul s'était assis un peu à l'écart et son œil parlant semblait demander une explication. « Ce chien, à coup sûr, ne voulait pas vous faire mal, » dit enfin Octave. « N'importe, chassez-le. » Et elle-même s'avança sur Bruno, son ombre à lever comme pour le frapper. Mais le chien ne s'enfuit pas. Croyant que son ancien ami voulait jouer avec lui comme autrefois, il se mit à décrire autour d'elle des cercles rapides, jappant joyeusement, poussant de petits cris de plaisir, comme pour la défier et la provoquer à le poursuivre. « Mais ce chien vous connaît, Diane ?» remarqua M. de Mussidan. « Moi ? D'où ? Comment ? Regardez plutôt. » Bruno, en ce moment, lui léchait la main. « Au fait, » répondit-elle sans savoir ce qu'elle disait, « il est possible que je l'ai caressé je ne sais où, et qu'il ait plus de mémoire que moi. Cependant, je ne me sens pas fort rassuré. Venez, Octave, allons-nous-en. » Il la suivit, et il lui vit oublier cet incident si Bruno, tout joyeux d'avoir retrouvé quelqu'un de connaissance, ne s'était obstinément attaché à leurs pas. « C'est singulier, » répétait Octave, « tout à fait singulier. » Ils avaient tout fait pour effrayer l'Épagneul. Il allait ramasser des pierres pour les lui jeter quand, dans un champ, à 20 pas de lui, il aperçut un paysan qui bêchait. « Eh, mon brave, » lui cria-t-il, « connaissez-vous ce chien ? Oui bien, monsieur. » « À qui appartient-il ? À notre maître, monsieur, à M. Norbert de Chandos. » Ce nom seul secoua la jeune dame de Mussidan comme le choc d'une pile électrique. « En effet, » s'écria-t-elle vivement, « je me souviens à cette heure. J'ai vu souvent ce chien chez la mère Houlot, et je lui donnais du pain. Il suivait toujours cette malheureuse qui est partie avec ce vilain homme. Oui, je le reconnais maintenant. Il doit s'appeler Bruno. Ici, Bruno !» Le chien accourut, et elle se baissa, bien moins pour le caresser que pour cacher son visage qu'elle sentait plus rouge que le feu. Octave reprit le bras de sa femme sans ajouter un mot. Le soupçon venait de l'effleurer de son aile de chauve-souris. Cette scène ne lui paraissait pas naturelle. L'agitation de Diane était bien extraordinaire. De vagues défiances, indéterminées, qu'il n'eût su comment traduire, s'éveillaient en lui. Mademoiselle Diane, de son côté, était horriblement tourmentée. Cet accident était un avertissement. Il lui révélait l'étendue du péril qu'elle bravait tous les jours. Elle se maudissait d'avoir été si faible, si pusillanime, si lâche. Comment une femme forte comme elle avait pu perdre la tête à ce point? Pourquoi se défendre si énergiquement de connaître ce chien? À quel propos? Quelle maladresse que cette explication ensuite! Est-il donc vrai que la voix de la conscience peut étouffer celle de la raison? Si elle lui dit tout simplement « Tiens, c'est Bruno, le chien du duc de Chandos », son mari n'eût rien vu là de surprenant. Son trouble avait fait, de la chose la plus simple du monde, un gros événement. La préoccupation de ce mari avait été visible après cette fatale promenade. Elle avait surpris un soupçon dans un coup d'œil qu'il lui avait jeté. Comment l'effacer? Comment lui rendre sa sécurité? À tout hasard, elle se condamna à avoir désormais une frayeur insurmontable des chiens. En apercevait-elle un, elle poussait un cri. Elle faisait tenir ceux d'Octave à la chaîne. Ah, n'importe. Elle sentait le terrain brûlant sous ses pieds. Il lui semblait qu'elle était environnée d'une atmosphère explosible, qui, la moindre étincelle, allait s'enflammer. De ce jour, la dame de Mussidan n'eut plus qu'une pensée, partir, quitter Biveron, fuir n'importe où, mais fuir. Il avait été convenu qu'au sortir de l'église, les jeunes époux trouveraient une chaise de poste qui les emporterait vers quelque contrée bénie, inconnue, où elle trouverait avec l'oubli et le calme la virginité de ses impressions. Les événements en avaient décidé autrement, et de semaine en semaine, toutes sortes de raisons les retenaient à Mussidan. Libre, la jeune femme n'eût pas été arrêtée une minute par ces raisons, qui intéressaient cependant la fortune et l'avenir. Mais elle n'avait trop pas compté avec l'opinion de ceux qui l'entouraient pour oser paraître en faire bon marché. Tout ce qu'elle pouvait raisonnablement tenter, c'était de pénétrer Octave de son idée fixe, de ramener continuellement à son esprit à cette question de départ qu'il lui était interdit d'aborder franchement. À l'entendre parler devant les grands-parents, on eût juré qu'elle voulait vivre et mourir à Mussidan. Mais dès qu'elle était seule avec son mari, elle avait l'art de lui faire dire, tout en semblant le contrarier, qu'ils étaient fort mal, que leur vie était envahie par les importuns, qu'ils s'y trouvaient comme en tutelle, qu'ils ne s'appartiendraient véritablement que le jour où ils seraient dans leur ménage, serrés l'un contre l'autre, chez eux, enfin. Il est certain qu'Octave était bien persuadé qu'il avait pensé tout cela avant de le dire. Il serait parti, s'il l'eût pu. « Voyons, » murmura la jeune femme, « ne saurais-tu patienter un peu ? Eh, ni ton père ni le mien n'en finissent avec leur tracasserie d'intérêt. » Cependant, il fallait à Madame Diane plus que de la patience, car elle avait le pressentiment qu'une catastrophe était proche, elle la devinait, elle la sentait dans l'air. La catastrophe arriva. C'était dans les derniers jours d'octobre, le 26, un jeudi, vers les 4 heures de l'après-midi. Elle venait d'achever sa toilette et était accoudée à une des fenêtres de sa chambre quand tout à coup la cour du château fut envahie par une foule visiblement émue. Quelques femmes pleuraient, s'essuyant les yeux du coin de leur tablier. Presque aussitôt des paysans rentrèrent, portant un brancard sur leurs épaules. Ce brancard était entièrement recouvert d'un drap, tout taché de sang, d'un côté, et sous la toile grossière, on distinguait nettement les contours raides et immobiles d'un cadavre. À cette vue, Madame Diane se sentit glacée jusqu'à la moelle des os. Elle était saisie d'horreur et cependant, elle ne pouvait s'arracher de cette fenêtre. Le matin même, son mari et M. de Clinchamp, accompagnés de Montlouis et d'un domestique nommé Ludovic, étaient partis pour chasser aux environs. Évidemment, un de ces quatre hommes gisait sous ce drap. Lequel ? Le doute dura peu. Octave parut. Il n'avait plus figure humaine. Il paraissait mourant. M. de Clinchamp et Ludovic le soutenaient chacun sous un bras. Le mort était Montlouis. Il ne serait donc plus nécessaire de ruser. Pour obtenir le renvoi de l'infortuné secrétaire, il n'y avait plus à craindre qu'il parlât. Cette idée abominable traversant le cerveau de la jeune femme lui donna la force de descendre pour s'informer, pour savoir. Mais, à moitié de l'escalier, elle fut arrêtée par M. de Clinchamp qui montait et qui, hors de lui, la saisit brusquement par le bras en lui disant d'une voix rauque et brève « Remontez, madame, remontez !»« Mais qu'y a-t-il au nom du ciel ? Un malheur affreux ! Venez, rentrez chez vous ! Votre mari nous suit !» Elle résistait, mais il employait presque la force. Il la poussa jusque dans sa chambre et Octave s'y précipita au même moment. En apercevant sa femme, Il étendit les bras, l'attira à lui, et la serrant contre sa poitrine, il éclata en sanglots. « Il pleure, » murmura M. de Clinchamp. « Il est sauvé. J'ai cru qu'il allait devenir fou. » Enfin, après bien des questions et des réponses incohérentes, Madame de Mussidan comprit que son mari avait tué mon Louis, à la chasse, involontairement. Quelques heures plus tard, au salon, Ludovic expliquait cet horrible accident, le mimait pour ainsi dire, et prouvait qu'il n'y avait en rien de la faute de son maître et qu'il fallait que la fatalité s'en fût mêlée. Diane crut à cette fatalité, et cependant, on ne lui disait pas la vérité. Mon Louis était mort pour elle comme déjà le duc de Chandos. Il était mort parce qu'il l'avait connu, qu'il possédait son secret, qu'il avait parlé. La vérité, la voici. Après un déjeuner de chasseurs, dans les bois de Biveron, Octave, animé par une bouteille de sauterne, s'était mis à plaisanter mon Louis sur ses fréquentes absences et à railler la femme qui en était la cause. Il marchait alors seul, un peu en arrière de leur compagnon. Pendant un moment, mon Louis laissa maltraiter cette femme qu'il aimait à la folie, mais à la fin, piqué par un sarcasme trop vif, il se révolta et répondit peu poliment. C'en était assez pour irriter M. de Mussidan. Après avoir déclaré à son secrétaire qu'il ne tolérait plus ses escapades, il lui reprocha amèrement de risquer une belle position pour une fille qui n'en valait pas la peine, qui le trompait, se moquait de lui avec d'autres, pour une drôlesse, enfin. Mon Louis était devenu plus blanc qu'un linge. « Pas un mot de plus, monsieur, » s'écria-t-il, « je vous le défends. » Son accent était si menaçant que, persuadé qu'il allait se précipiter sur lui, Octave leva la main pour le frapper. D'un saut de côté, mon Louis esquiva le coup, mais il était ivre de fureur et cette insulte dernière acheva de lui faire perdre la tête. « Que parlez-vous de dupé ? » s'écria-t-il, « vous qui épousez la maîtresse des autres ? Que parlez-vous de drôlesse ? Vous, dont la femme n'est qu'une... » Le mot n'était pas prononcé, qu'il tombait, ayant reçu en pleine poitrine la charge entière du fusil d'Octave. Comment M. de Mussidan cacha-t-il la vérité à Diane ? Comment ne chercha-t-il pas à savoir ce qu'il y avait au fond des affreuses imputations de Mont-Louis ? Il n'osa pas. Il aimait sa femme éperdument, et la passion vraie est capable de toutes les capitulations et de toutes les lâchetés. Il sentait que jamais il n'aurait le courage de se séparer de Diane, qu'il pardonnerait quoi qu'il y eût. Dès lors, à quoi bon s'éclairer ? Mieux valait le doute qu'une désolante réalité. Le doute, c'est encore une porte ouverte à l'illusion. Acquitté par les juges, grâce à l'audacieuse initiative de Ludovic, Octave n'avait pas été absous par sa conscience. Cette jeune fille, qu'aimait mon Louis, il la fit rechercher et parvint à la découvrir après bien des démarches. Pauvre fille, elle venait de mettre au monde un fils, et chassée par sa famille, elle était près de périr de misère. Octave la sauva du désespoir, et sans lui dire quelle raison le guidait, lui jura qu'il l'aiderait à élever son enfant, qu'elle avait appelé Paul, comme mon Louis. Quelques jours plus tard, M. et Mme de Mussidan quittaient le Poitou. Plus que jamais, Diane souhaitait habiter Paris. Elle avait attiré à son service une ancienne soubrette de Mademoiselle de Puymandour, et cette fille avait été indiscrète. Diane savait qu'avant son mariage, Mademoiselle de Puymandour avait aimé Georges de Croisenois, et elle comptait sur lui pour se venger de Norbert.